tiennent par la main et marchent en silence dans ces villes éteintes que le crachin balance. Ne sonnent que leurs pas, pas à pas, fredonnés. Ils marchent en silence, les désespérés. Ils ont brûlé leurs ailes, ils ont perdu leurs branches, tellement naufragés que la mort paraît blanche. Ils reviennent d'amour, ils se sont réveillés. Ils marchent en silence, les désespérés. Et je sais leur chemin pour l'avoir cheminé déjà plus de 100 fois, 100 fois, plus qu'à moitié. Moins vieux ou plus meurtri, ils vont le terminer. Marchent en silence, les désespérés. Et en dessous du pont, louée douce et profonde, voici la bonne hôtesse, voici la fin du monde. Ils pleurent leur prénom comme de jeunes mariés. Ils fondent en silence, désespérés. Que se lève celui qui leur lance la pierre. Il ne sait de l'amour que le verbe s'aimer. Sur le pont n'est plus rien, ça s'oublie en silence, ceux qui ont espéré.